Moi j'ai jamais perdu une game de bonhomme pendu. Tu penses-tu que je connais pas mes lettres toutes prêtes? Sec, le paycheck, y'en a pas ce correct. Mais si c'est les cravates qui font le cash, man, c'est pas net. La paranoïa pète un mec trop louche. Pénètre dans le boss, big pocket, une grosse rousse. Fuck notre âge comme quand des pédos se touchent. Les contradictions nous écrasent comme une vraie fausse couche. C'est old douche pour tous les perroquets mal appris. Impertinent qui dérogeait la batterie. Quand j'spitch, j'pense que t'auras besoin de parapluie. Les comètes, c'est les rap gods qui postionnent dans la galaxie for real. Parasite sale sur du sample et séquencé. Carabine sale dans les tranchées, c'est danger. La machine cale, you tout penser au plan B. Rouler des rizlags, payer trangler des banquiers. Fourant de ma. Kéno, face de petit gars, pis dire qu'on est des hommes, ça fait comme pas de sens. Ha! Passe à des épreuves genre tournoi combat vicieux 25. Où peut-on tourner dans un champ pendant 24 semaines? Pun scène, pas de sel, pas de shell pour un café, pas de N-cell et Gretel, fuckery. Combien mon flow comme le brun d'Annie? Couche ta porte un pantalon qui sert le Wheezy. Jimmy, cheesy beat, fly sur le freezy beat. Pète qui répète enfin à nouveau réuni. Tu m'entends rap et pis faut t'en parler à tes amis. Tu peins, tu manges juste l'ami. T'en as mis du temps, j'ai à comprendre que c'est la croûte qui nourrit. Pogne une pique, tu rougis. Surtout pas que t'oublies. Course avec courrier de Saint-Roch à Saint-Louis. Tu dis oui, oui, oui, quand tu manges la bouillie. Tu dis...